Bienvenue sur les cahiers libertaires, c'est le 13e épisode. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au niveau des élections européennes, parce que comme vous savez, bientôt on va voter pour le Parlement européen. Et cela soulève beaucoup de questions. Alors à gauche, il y a plein de partis politiques. Et le tout, c'est de savoir comment on va se projeter dans le contexte du climat social actuel. En effet, on a une lutte des classes qui s'exprime à travers les gilets jaunes. Et tout le monde sait que les gilets jaunes, c'est un mouvement assez hétéroclite, puisqu'il n'y a pas vraiment de classe sociale qui s'en sort, même s'il y a des revendications sociales très importantes. Et on est face à un patronat qui s'exprime à travers la CFDT, le MEDEF et les principaux partis qui sont La République En Marche, Les Républicains et le Front National. Et ces derniers nous disent que finalement il n'y a pas d'alternative au capitalisme et plus absolument au néolibéralisme. Alors on a l'impression d'être face à un sacré cul-de-sac et on peut se dire, bah merde, qu'est-ce qu'on va faire maintenant puisque on entre dans une phase où il y a la question du doute. Alors, dans les gilets jaunes, c'est vrai, il y a des personnes qui sortent, qui sont des orateurs. À la France Insoumise, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Nathalie Arthaud au NPA, et il y a aussi Yann Brossat au PCF, et il y a trois listes jaunes. Bon, on peut se poser la question de la légitimité, mais pourquoi trois listes jaunes alors que finalement les gilets jaunes, ils vont voter pour des listes politiques et pas forcément pour des listes jaunes. Ensuite, il faut dresser un constat clair. Les élections européennes sont capitales pour la suite du mouvement. En effet, si on se laisse faire comme on le fait actuellement, le pouvoir en place va durcir sa répression sociale, il va accentuer les réformes structurelles pour augmenter le pouvoir du capital sur nos vies et il va accentuer la politique de l'offre. Alors, dans la synthèse néoclassique, comme disait Jean-Baptiste Say et Milton Friedman, Hayek et Ricardo et que sais-je encore, que l'offre crée la demande. Et on se souvient de cette petite phrase de François Hollande, il avait dit pour justifier les lois El Khomri, la loi Macron, que l'offre crée la demande. Or, on le sait très bien, c'est qu'une entreprise, si elle n'a pas de carnet de commandes, c'est une entreprise qui fait faillite. Et on nous répète sans cesse que finalement, le travail, ça coûte cher. Mais qui produit le travail? Qui crée la richesse dans ce bullshit de pays? C'est les travailleurs. Et c'est pour ça que si on veut que l'économie puisse se réformer, puisse accroître sa richesse, il faut commencer par redistribuer la richesse produite par les travailleurs. Alors, on peut faire par deux solutions. Soit on augmente les impôts, notamment sur les plus riches, en mettant en œuvre une redistribution des richesses, soit on augmente les salaires. Et l'importance d'augmenter les salaires, il est le suivant. Un, on augmente les cotisations sociales. Si on augmente les cotisations sociales, on met en équilibre budgétaire les balances au niveau des caisses sociales, comme les retraites, comme la sécurité sociale, comme l'assurance maladie, comme le droit au chômage, etc. C'est pourtant simple. Et ensuite, il faudrait peut-être aussi se remettre en cause le fameux CICE. Alors, j'ai fait un petit calcul, le CICE, actuellement, il permet de sauvegarder à peu près 100 000 emplois. Si on remettait le CICE dans le budget de l'État, on pourrait créer juste 700 000 emplois. Et 700 000 emplois, on génère une politique de choc. Parce que 700 000 emplois créés, ça génère autant d'emplois créés indirectement. Donc on peut parier sur 1 200 000, 1 300 000 emplois avec simplement le CICE. Actuellement, on est à 8,5, 8,6% de chômage. Et c'est vrai qu'on va nous dire que le chômage, il baisse, il baisse. Mais c'est avant tout une baisse conjoncturelle. Et ça, il faut bien le comprendre, ce n'est pas les ordonnances Macron, la loi Rebsamen, la loi El Khomri, et le tralali et le tralalair qui font baisser le chômage. Le chômage, il baisse parce que le taux directeur de la BCE, il est faible, et que ce taux, il est aux alentours de 0%. C'est-à-dire que les banques, actuellement, elles empruntent à un taux quasi nul, ce qui permet une augmentation de la dépense privée, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Sauf que il y a un sacré problème, c'est que le mandat de la BCE, lui, il est un mandat unique, contrairement à la Fed. Parce que le mandat de la BCE, qu'est-ce qu'il dit ? Le mandat de la BCE, il est là pour réguler l'inflation. Or, il y a quelque temps, nous étions au bord de la déflation avec l'ensemble des risques que ça a entraîné sur l'économie, sur le travail, mais aussi sur les salaires. Parce qu'une déflation, ça fait baisser les salaires. C'est une déflation, c'est encore plus dramatique, parce qu'au-delà de baisser les salaires, ça fait baisser le PIB, et ça entraîne une dynamique où l'ensemble des investissements baissent, le chômage augmente, etc., etc. Et ainsi de suite. Alors, le mandat de la BCE, il est juste pour avoir une inflation à 2%. 2%, c'est pas grand-chose. Or, si on voulait vraiment faire un choc au niveau de la monnaie, pour arriver à rendiguer l'ensemble des déficits, il faudrait une inflation entre 5 et 10% sur 5 ans, ce qui correspond à peu près à une augmentation des prix entre 30 et 50%. Vous allez me dire, oui, c'est beaucoup, les salaires vont être pénalisés, mais si on calque les salaires sur l'inflation, les salaires vont suivre, et les déficits vont être résorbés sans politique structurelle. C'est formidable, parce qu'on va pas casser dans l'État, on va pas encore prendre aux travailleurs, on va pas encore faire des cadeaux au patronat. C'est pourtant simple. Ensuite, j'ai une autre affirmation qui est celle du côté animaliste. Donc c'est vrai, cette année, on a un parti qui s'appelle le Parti Animaliste, qui défend la cause des animaux, etc. Sauf que... il y a un problème qu'il faut évoquer. Lorsqu'on défend les animaux, on se doit de défendre la règle de l'égalité. On ne peut pas discriminer un être humain en fonction de sa religion, de son ethnie, de son orientation sexuelle et dire « Ah oui, mais je suis pour les animaux ». Non, ça, c'est pas possible. Et quand on voit qu'il y a des associations ou qu'il y a Brigitte Bardot qui est foncièrement d'extrême droite et qui est même allé se réfugier en Russie pour acquérir la nationalité russe, qui demande à voter pour ce parti politique, on se demande quelle est la réaction politique face au soutien de Brigitte Bardot. Parce que Brigitte Bardot, c'est quoi ? C'est une fasciste, et on ne peut pas la soutenir. Il faut être clair. Ensuite, on constate aussi que le parti animaliste, il est animaliste comme son nom, mais il est orienté sur une seule chose, les animaux. Alors, toutes les questions économiques, sociales, politiques, c'est simple, il n'en a rien à branler. Autrement dit, si demain, on devait se passer de la viande, se passer du fromage, se passer des produits laitiers, qu'est-ce qu'il fait ? On ne sait pas. Alors, moi, j'ai quelques solutions. Il suffirait d'injecter environ 80 milliards sur 10 ans pour endiguer l'ensemble du problème, et ce serait fait. C'est pas compliqué. Pourtant, eux, ils le font pas. Ça demande aussi une analyse macroéconomique de la société. Et quand on parle de macroéconomie, ça suggère qu'il faut que le parti animaliste ait des économistes et des personnes qui pensent en matière d'économie, qui pensent que c'est pas justement une question de faire des lois, etc., etc. Ensuite, on constate que le parti animaliste, il a fait 1,2% aux élections législatives. Autrement dit, il sera jamais au-dessus de la barre des 5%. Ceux qui votent pour le parti animaliste, je comprends bien qu'ils ont moins cœur pour les animaux, etc. Mais leur vote, il sert à rien. Leur vote, c'est comme s'ils mettaient un bulletin blanc. dans 10 ans, peut-être que ça servira à quelque chose. Mais actuellement, ce parti, c'est juste un lobby. Mieux vaut que les animalistes, ils soient dans des associations, ils ont plus de poids. Parce qu'actuellement, il y a des partis politiques qui œuvrent, on va dire, de manière welfariste pour les animaux, et que il y a plus d'intérêt à aller dans ce sens. On constate que y a, dans la répression des gilets jaunes, il y a une violence policière qui commence à être de plus en plus rude. Mais cette violence policière, on peut hurler stop, la police est méchante, etc., etc. Mais la police, elle n'est pas méchante. La police, c'est juste le bras armé du capitalisme. Et quand les gens demandent justice, mais la justice, c'est quoi la justice? C'est juste l'outil politique du capitalisme pour nous juger. Alors, quand on demande à faire justice, il faut se faire justice soi-même. On ne peut pas, d'un côté, dire « oui, on veut la justice, mais d'un côté, on veut les outils du capitalisme, les outils de la bourgeoisie. » Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si on veut la justice, il va falloir s'armer. C'est simple. Parce que la justice, elle défend les policiers. Et les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent la justice. C'est un couple. Et aujourd'hui, les violences policières, c'est la même chose que les violences juridiques. Vous croyez qu'il n'y a aucun flic aujourd'hui qui a été jugé pour l'ensemble des délits commis? Pourquoi? Parce que la justice, elle travaille tous les jours avec la police. Donc la justice, elle protège la police. Et on a beau argumenter qu'il faut justice et vérité, mais la vérité, c'est nous qui allons la sortir. Et il faut la mettre aux yeux de la bourgeoisie, et notamment de Christophe Castaner, qui, entre autres, est un révisionniste et un négationniste, quand il dit que la police a résisté face à Vichy, alors qu'on sait très bien que la police était le bras armé de Vichy, comme elle est le bras armé du macronisme. Alors, on va dire, oui, c'est un point de Godwin, etc. Mais dans les faits, la police, elle est là pour défendre l'État. Elle est là pour défendre l'État bourgeois. Et cet État bourgeois, il tiendra jusqu'au bout. L'État bourgeois, il est là pour tenir. La police, s'il faut qu'elle tue 100 000 personnes, mais elle tuera 100 000 personnes. Parce que la police, elle est là pour défendre le patronat. Elle est là pour défendre Pierre Gattaz. Elle est là pour défendre l'ensemble des plus riches. Et quand vous portez plainte contre un flic et que vous allez à l'IGPN, vous allez porter plainte à une police qui défend sur la police. C'est comme si vous alliez voir la FNSEA et vous disiez « Oui, bonjour, il y a un agriculteur qui fait du mal. » Mais la FNSEA va vous dire « Mais moi, je m'en fous. Moi, je défends l'agriculteur parce que c'est ma corporation, parce que c'est une corporation fasciste. » Et le pire dans tout cela, c'est que au sein de la police et de la gendarmerie, mais c'est des militants d'extrême droite. C'est vrai qu'on n'a pas de statistiques officielles sur le sujet, mais quand on regarde en détail sur les casernes ou les regroupements de flics et de gendarmes, ces gens, ils votent Front National. Et le Front National, c'est quoi? C'est l'extrême droite libérale. C'est celle qui soutenait Reagan, c'est celle qui soutient Thatcher, qui soutient les pires mesures. En Autriche, qu'est-ce que fait l'extrême droite? Elle a juste passé la semaine de 60 heures avec l'alliance de Macron. Qu'est-ce que fait l'extrême droite en Hongrie? Elle empêche les pauvres et les réfugiés de manger. Elle interdit même à ces gens de manger à leur faim. Non, il faut être sérieux. Alors quand on dit tout le monde déteste la police, en fait on dit tout le monde déteste l'extrême droite. Parce qu'on est là à se dire, on déteste le fascisme. Et le fascisme, il est là. Alors, on commence à sentir que, comme disait le syndicat des avocats trans ou le syndicat de la magistrature, je ne sais plus trop, il y a un problème et nous allons vers un état policier. Mais cet état policier, ça fait plusieurs années qu'il existe, il se renforce. Et on a aussi la loi anti-casseur. Qui vient du parti Les Républicains, qui est entre autres un parti d'extrême droite libérale, comme le Front National. Et Christophe Castaner, avec la majorité du parti de la République en marche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adopté leur texte. Ce sont des textes liberticides. Et pourquoi ils adoptent de tels textes? C'est pas pour protéger les manifestants des casseurs. C'est pour protéger le capitalisme. Parce que la bourgeoisie, elle commence à sentir qu'elle a le feu aux fesses. Elle a peur. Elle commence à se dire, oh là là, les mesures que l'on met commencent à créer un désordre social. Mais le capitalisme, c'est un désordre social permanent. C'est une façon d'aller vers le libertarianisme. Alors, c'est vrai que nous en sommes pas là, mais la volonté pure de ces gens-là, c'est de tout privatiser et c'est de laisser le marché faire. Dans quelques années, on n'aura plus de police, on aura des milices privées payées par le capital. On n'en aura plus de tribunal, on aura des tribunaux privés. Parce que le marché, c'est le saint graal de ces gens-là. Le marché, il triomphe. Et ces gens-là, ils sont libéraux dans le marché, mais quand il s'agit de défendre les libertés publiques, ils sont plus là. Parce que les libertés publiques, ça va contre l'intérêt de leurs intérêts. Alors aussi, on constate que... là, j'entends mes camarades qui sont certainement de bonne foi et qui me disent « Oui, mais il faut voter contre l'extrême droite, etc. » Mais le problème, c'est que Emmanuel Macron, bah, il est d'extrême droite et que le fond de la logique du macronisme, c'est le libertarianisme. C'est l'anarchisme libéral. C'est dans un monde où le contrat, il est la base de tout. C'est-à-dire, tout est privatisé. Alors, je sais, il ne faut pas tout mélanger, mais quand même, la pensée dogmatique de ces gens-là, c'est une pensée vraiment dangereuse. On sait que la justice bourgeoise, elle a quand même mis 400 gilets jaunes en tôle. Pour un mouvement social, c'est inédit. Mais ce qu'il faut constater aussi, c'est que le mouvement social actuellement, il va sur son 26e acte. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que normalement, un mouvement social, ça dure 2 mois, et que là, on arrive quand même au 4e ou 5e mois, et que ce mouvement, il a toujours la gnaque. Et que on le sent de plus en plus, c'est qu'il y a une forme de résistance qui s'installe, et que le président de la République, il est de plus en plus élu. Et pas de plus en plus élu, il est de plus en plus détesté. Et que c'est vrai que dans le cadre des élections européennes, les sondages le mettent à 22-23% côte à côte avec Marine Le Pen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est le système et son assurance-vie, comme le dit si bien Manon Aubry. Bon, je fais pas de publicité pour la France insoumise, mais dans ce cadre-là, elle a raison. Il faut dire les vérités, même si elles ne sont pas bonnes à entendre. Et que il est vrai que aujourd'hui, si on arrive à faire entrer une majorité à gauche au Parlement européen, ça changera peut-être la donne. Toutefois, il s'agit d'une chimère, parce qu'aujourd'hui, quand on additionne les Républicains, le Modem, la République en marche, le Front National, Europe Écologie Les Verts, etc., on arrive quand même à une grande majorité de la droite. Et d'ailleurs, il faut parler un peu d'Europe Écologie Les Verts, parce que c'est un parti qui se dit écologiste, mais dans l'écologie, il y a quand même un problème fondamental. Au moment où nous allons vers la 6e extinction de masse du monde, et que cette extinction, elle est réelle, hein, on n'invente rien du tout, l'Europe Écologie Les Verts croit qu'on va changer la société à travers une société de marché. Or, depuis, on va dire, les années 70-80, qu'est-ce qui a été fait pour l'écologie à travers toutes les différentes réformes structurelles mettant en œuvre le Saint-Marché. Concrètement, rien. Alors, on ne peut pas se dire écologiste d'un côté et de l'autre, on choisit le marché. Parce que le marché, il est fondamentalement opposé à l'écologie. Parce que le marché, il crée les traités de libre-échange. Et qu'est-ce que font les traités de libre-échange ? Il faut quand même analyser. Ils poussent les échanges entre les différents continents, entre les différents pays. Ça suggère des paquebots, ça suggère des avions. Et ces échanges, ils créent de la pollution. Et la pollution, ça crée quoi ? Ça crée du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, ça crée quoi ? Ça amplifie l'extinction de masse. Alors, quand on est contre le réchauffement climatique, on est pour l'écologie et on est contre le libéralisme, on est contre l'économie de marché. C'est pour ça que quand il y a Yannick Jadot, il remet en cause la planification écologique, etc., il se trompe totalement. Yannick Jadot, il fait du libéralisme vert, il fait du greenwashing, et le greenwashing, ça ne fonctionne pas. C'est pas parce qu'on repeint une centrale à charbon en vert qu'elle est écologique. Non. Au contraire, elle est verte, mais c'est tout. Alors, sur la question de l'écologie, c'est vrai que sur un continent, on n'arrivera à rien. Sur un pays, on n'arrivera à rien. Et que ce sont des mesures qui nécessitent une action de grande ampleur. Sauf qu'on voit, c'est qu'on est face aussi à des climato-sceptiques. On citera notamment Pascal Pro, qui est quand même le gugus et l'espèce de connard de LCI. Et Pascal Pro, il croit, parce qu'il fait froid, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Bon, c'est pas grave, il ne sait pas que le Jet Stream et le Gulf Stream, ça existe, et qu'il n'a aucune connaissance en matière de culture, et on passera. Mais il y a d'autres personnes qui ont plus de puissance que lui. Donald Trump, il ne croit pas au réchauffement climatique. Et les États-Unis d'Amérique, c'est quand même la première puissance mondiale. Et Donald Trump, il a quand même remis en marche les mines à charbon. Alors que le charbon, en termes d'impact environnemental, c'est colossal. Et que pour lui, c'est l'emploi d'abord, l'écologie, et l'écologie, ça n'existe pas. Parce que pour lui, l'écologie, ce serait un complot de la Chine visant à détruire les emplois américains, et tralali, et tralala. Mais on a Bolsonaro, lui, il est pareil, hein. Il est totalement taré, il appartient à l'extrême droite, il est putschiste. Lui, son programme, c'est de détruire l'Amazonie, c'est de détruire le poumon vert de notre planète. Sous l'idée que cela va créer de la richesse. Or, cela ne va pas créer de richesse, au contraire. À terme, cela va détruire de la richesse. Parce que la vraie richesse qui est créée, c'est la richesse écologique. Bon, ça fait depuis quasiment 23 minutes que je parle. Je crois que c'est le plus long épisode des Cahiers Libertaires. On va s'arrêter et je vous dis à une prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai un autre podcast. Mais là, je suis déterminé. Cette fois, on va essayer de tenir un podcast toutes les deux semaines. Et on va le faire. Allez, ciao !